19e chapitre. Yalta. Koutchouk, l'empate. Parthénite. Le noyer du prince de Ligne. Jeune femme tatare. Visite à mademoiselle Jacquemart, chanoinesse de Gobsel. Oulou Ouzen, une héroïne de roman. Par sa proximité des endroits les plus remarquables de la côte, autant que par son port et sa délicieuse situation, Yalta est pendant la belle saison le rendez-vous de tous les voyageurs qui affluent en Crimée. Chaque semaine, un paquebot d'Odessa dépose un grand nombre d'étrangers dans sa rade, qu'anime en outre une infinité de petits navires venant de tous les points du littoral. Rien de plus séduisant que la vue de cette blanche Yalta couchée au fond d'un golfe comme une gracieuse sultane qui baigne ses pieds dans la mer et abrite son beau front sous des rochers festonnés de verdure. Des constructions élégantes, de beaux hôtels, une population respirant le bien-être et la gaieté, tout annonce que l'opulence et le désir l'ont prise sous leur patronage. En effet, la prospérité de Yalta n'a sa source que dans les dépenses des voyageurs qui remplissent pendant plusieurs mois ces hôtels. La rencontre de M. Taïbou et l'arrivée des dames Pisani et Lagorio rendirent notre séjour dans cette ville fort agréable. Pour sa part, le consul se trouva si bien à terre qu'il en oublia jusqu'aux circassiens auxquels il devait rendre visite. Mais son second, vieux loup de mer, ne s'accommodant nullement d'un pareil retard, fatigué de prêcher dans le désert, ne vit rien de mieux à faire que d'enlever son capitaine. Cela donna lieu à une scène fort plaisante. Un matin, mon mari se trouvant sur le port, aperçut, en examinant la Julie, une certaine manœuvre dans les voiles qui l'intrigua à un haut degré. En nous quittant la veille, M. Taïbout s'était engagé pour le lendemain même à nous accompagner dans une longue promenade comme un homme tout disposé à laisser les affaires pour le plaisir. Les préparatifs de départ qu'on faisait sur la Julie étaient donc une énigme pour Homer, qui s'empressa d'aller à bord en chercher l'explication. Le consul dormait profondément, mais à force d'être secoué, il ouvrit les yeux et parut très surprise de la visite matinale qu'il recevait. « Eh bien, monsieur Taïbou, c'est ainsi que vous méditez de noires perfidies, » lui dit mon mari d'un air aussi fâché qu'il put le prendre. Quoi donc, quelle perfidie ? Oui, faites l'ignorant, je vous le conseille, et vos matelots qui sont déjà au cabestan, occupés à lever l'ancre, que dites-vous de cela ? Ce n'est pas possible, mais en effet, j'entends un singulier bruit. Giacomo ! Cria-t-il d'une voix de stentor, avec la figure la plus ébouriffée du monde. Giacomo, venez donc me dire ce qui se passe là-haut ! Le second parut gardant une gravité imperturbable. « Ah, ça ! M'expliquerez-vous la cause du piétinement que j'entends sur le pont ?»« Mon capitaine, nous levons l'ancre. »« Vous levez l'ancre ?» répéta le consul tout stupéfait. « Et qui vous en a donné l'ordre, monsieur ?»« Ma foi, capitaine, puisque vous ne voulez pas partir, il faut bien qu'on vous enlève. » « Eh bien, enlevez-moi, et qu'il n'en soit plus question !» finit par dire le consul, moitié riant, moitié fâché, avec cette bonhomie charmante qui lui fait de si nombreux amis. « Mais du moins, monsieur Homer, vous êtes témoin que si je pars, c'est par surprise, et que ce diable de Giacomo est le seul coupable. » Deux jours après cet enlèvement d'un nouveau genre, nous partîmes de Yalta en assez nombreuses sociétés, les uns à cheval, les autres en voiture, laissant derrière nous Aloupka, Miskor, Coréis, Oréanda, toutes ces somptueuses habitations où règnent l'orgueil et l'opulence. Nous oubliâmes bientôt les miracles de l'art pour ceux de la nature, inépuisables dans ces transformations. La route parallèle à la côte changeait à chaque instant de physionomie. Tour à tour, agreste, sauvage, gracieuse et mélancolique, elle captivait sans cesse notre admiration et nous faisait vivement regretter la nécessité où nous étions d'avancer. une pluie d'orage nous surprit dans la belle forêt de Kutchouk-Lampat. Ce fut un sauve-qui-peut général. Ceux qui étaient en avant purent facilement atteindre l'habitation du général Borosdine, le maître de cette propriété. Mais les retardataires, du nombre desquels j'étais, n'eurent d'autre ressource que de se réfugier dans un pavillon qui fut pris d'assaut. Tandis que nous attendions tranquillement, sous cet abri, la fin de l'orage, les gens du château, avertis par nos compagnons, nous cherchaient de tous côtés. Plusieurs fois, nous les vîmes passer au loin, armés de larges parapluies, et ne donnâmes signe de vie qu'après avoir terminé une intéressante partie de billard. Le pavillon, notre refuge, étant une salle de jeu. Cet incident qui mêlait ainsi le piquant et l'imprévu à nos impressions pittoresques ne fit qu'accroître la gaieté générale. Le châtelain de Kutchouk-Lampat, charmé de recevoir si nombreuses compagnies, fêta notre arrivée par une excellente collation où figurèrent tous les vins de France et d'Espagne. Quelques verstes seulement séparent Kutchouk-Lampat de Parthenit. Dans ce dernier village, je reçus pour la première fois une marque de sympathie des femmes tatares. En entrant dans Parthenit, me tenant, selon mon habitude, à la queue des autres, j'arrivai la dernière devant une maison orientale dont le large balcon était occupé par trois femmes voilées. Au moment où je passais au-dessous d'elles, je ralentis le pas de mon cheval pour leur faire quelques signes d'amitié. Aussitôt, l'une de ces femmes, et je suis persuadée la plus jolie, se mit à baiser à plusieurs reprises un gros bouquet de muguet qu'elle tenait à la main et me le lança si adroitement que je le reçus à bras tendus. Toute fière de me trouver l'objet d'une pareille faveur, je piquai des deux pour montrer ce beau trophée à mes compagnons qui eurent la malice d'assurer que le bouquet avait été adressé non à ma personne, mais à mon costume. On n'a pas oublié que je voyageais en habit d'homme. Avant de nous rendre à Oulu-Ouzen, nous fîmes une visite à la chanoinesse de Kopsel. Mademoiselle Jacquemar, qui vit en véritable ermite dans la belle vallée de Soudag depuis une quinzaine d'années. Par son esprit et son excentricité, elle a ajouté un charme de plus à cette ravissante vallée, tant de fois décrite et chantée. Aussi, tout visiteur de la Crimée a-t-il le soin de noter dans son itinéraire une visite à Soudag et à sa chanoinesse. Mais s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, car notre compatriote en femme d'esprit dédaigne de satisfaire une curiosité banale et n'admet dans sa chaumière que ceux dont les goûts, la réputation et la vie aventureuse ont quelque analogie avec sa propre destinée. Quelques vers insérés dans le journal d'Odessa l'année précédente m'avaient valu de sa part une véritable épître et l'invitation la plus pressante d'aller la voir dès que je mettrai le pied en Tauride. Peu d'existences de femmes côtoie autant le roman que la sienne, depuis l'instant où elle quitta la France à l'âge de 16 ans pour jouer en Russie le rôle d'institutrice jusqu'à celui où elle vint se confiner à jamais dans un coin de la Tauride. Personne n'a pu découvrir le motif qui l'a engagée à choisir un genre d'existence offrant un tel contraste avec celui qu'elle abandonnait pour toujours. Est-ce orgueil, fierté, besoin de liberté, attrait de l'inconnu, blessure du cœur qui l'a séparée du monde? Nul ne le sait. Toujours est-il que, vive, belle, passionnée pour la société, où elle était parfaitement accueillie, malgré son rôle d'institutrice, elle planta là, un beau jour, ses admirateurs et ses envieux, sans qu'aucune aventure ait pu servir de point de repère aux nombreux commentaires dont sa disparition du monde fut souvent l'objet. En la voyant dans son costume quasi masculin, faisant de la géologie, de la peinture, de la musique et de la poésie, sans l'ombre d'une prétention, on se demande quel drame mystérieux s'est passé dans cette existence bizarre. Faut-il croire, avec la comtesse Vorontsov, que notre héroïne a trop d'esprit pour avoir du cœur et que son divorce avec le monde ne provient que d'un immense orgueil? Quoi qu'il en soit, c'est une femme hors ligne, une organisation d'élite qu'apprécient vivement tous ceux qui ont la bonne fortune de la connaître. On a beau dire, il faut une cause bien puissante pour se résigner à vivre seul quand on a brillé dans la société, quand on a été une vraie lionne dans toute l'acception du mot. Son humble titre d'institutrice, grâce aux qualités brillantes qu'elle tenait de la nature, avait été pour elle un échelon qui la porta au premier rang parmi les femmes les plus appréciées. Elle vécut longtemps à Saint-Pétersbourg et à Vienne, dans le tourbillon du plus grand monde, attirant tous les hommages par sa beauté, son intelligence et son esprit railleur. Eh bien, ce fut au milieu même de ses succès qu'elle vint s'établir en Crimée, où elle acheta de ses économies une petite propriété qu'elle n'a plus quittée. Dès son arrivée à Soudagh, elle se lia intimement avec la vieille princesse Galitzine, qui fut ravie de rencontrer dans cette jeune française l'énergie de caractère, l'excentricité de goût, la finesse d'observation et surtout l'esprit sardonique dont elle-même avait été si largement pourvue. Mademoiselle Jacquemart devint donc la commensale habituelle de Coréis jusqu'à la mort de la princesse, retrouvant au sein de la brillante société qui s'y réunissait une partie des succès qu'elle avait eu naguère sur un plus grand théâtre. D'après ces quelques détails, on comprendra avec quel mélange de curiosité et d'intérêt je vis de loin l'humble demeure d'une femme d'intelligence qui, par un caprice inexplicable, persistait à vivre dans l'isolement le plus absolu, n'ayant pas même une pauvre petite servante à ses ordres. Avertie dès la veille de notre visite, elle vint à notre rencontre aussitôt qu'elle aperçut la cavalcade et nous reçut, mon mari et moi, comme ces amis inconnus dont parle Lamartine. Son aspect me causa une véritable surprise. Vêtue d'une longue jupe brune et d'une veste qui cachait sa taille, elle offrait dans tout son extérieur quelque chose de mâle et de viril, bien en harmonie avec le genre de vie qu'elle avait adopté. Une femme plus ordinaire eût été embarrassée en nous introduisant dans sa chaumière, qui n'était certes pas une chaumière de comédie. Tout ce qui donne un peu de douceur à la vie intérieure y brillait par son absence. Le logis consistait en une pièce au rez-de-chaussée, servant à la fois de chambre à coucher, de salon et de salle à manger, sans qu'il y eût pour cela accumulation de meubles. Mais du moins, si le corps n'avait pas toutes ses aises, l'esprit était mieux traité, car tout trahissait dans ce modeste réduit les goûts intellectuels de son possesseur. J'y remarquai une guitare, un chevalet, des armes, une collection de minéraux et quelques objets d'art. Heureuse de recevoir des compatriotes et une consoeur en poésie, elle nous parla avec franchise des privations auquel la réduisait un genre de vie qu'elle n'avait pas le courage d'abandonner. Son éloignement de toute habitation l'exposait fréquemment à des attaques nocturnes et la forçait d'avoir jour et nuit des pistolets sous la main. On lui volait ses fruits, ses poules et même jusqu'à ses ceps de vigne. Elle nous raconta, non sans rire, que la fantaisie lui était venue un jour d'élever de petits cochons, dans l'espoir que, devenue gros, elle en tirerait un bon parti. Mais elle comptait sans son voisin, qui, sous le prétexte que les susdits animaux envahissaient son territoire, en fit un carnage épouvantable. Pour toute vengeance, la spirituelle chanoinesse écrivit une supplique en vers au comte Vorontsov, portant en tête un énorme cochon appuyé sur un fusil et regardant avec satisfaction une dizaine d'individus de son espèce gisant à terre. au bas du dessin, on lisait « Caïn, qu'as-tu fait de tes frères ?» Toujours sur le qui-vive, elle avait sans cesse à craindre de voir se renouveler, d'un jour à l'autre, l'horrible attentat dont elle faillit mourir, attentat auquel le maréchal Marmont a donné, en le racontant, une couleur romanesque complètement dénuée de vérité. Voici de quelle façon elle nous raconta son aventure. Deux jours avant l'événement, un Grec s'était présenté chez elle pour lui demander du travail et du pain, et parut fort irrité de n'obtenir qu'un morceau de galette et quelques fruits que Mademoiselle Jacquemart lui remit elle-même en lui conseillant d'aller chercher du travail ailleurs. Le surlendemain soir, elle revenait d'une excursion géologique, tenant encore en main une petite hache qui lui servait à casser des cailloux lorsqu'elle aperçut le même homme marchant avec précaution derrière elle. À peine eut-elle le temps de s'assurer de son identité qu'elle se sentit saisie par le milieu du corps, tandis qu'on lui arrachait son arme et frappait violemment à la tête jusqu'à complet évanouissement. Combien de temps dura ce dernier et de quelle façon put-elle regagner sa demeure avec le crâne entrouvert, c'est ce qu'elle ne peut expliquer. Pendant plusieurs mois, elle fut entre la vie et la mort, et sa raison même reçut une forte secousse. Des morceaux de peigne restés dans sa tête lui faisaient encore souffrir, à l'époque où nous la vîmes, d'atroces douleurs. Malgré l'ennui d'une telle situation aggravée par la misère, car il faut dire les choses par leur nom, la chanoinesse a conservé intact le goût des arts. Nous la trouvâmes fort occupée à traduire les psaumes de David en vers français. Sans doute son organisation poétique doit lui faire trouver un certain charme à cette existence solitaire, si calme à sa surface, mais au fond si pleine de lutte, d'anxiété et de souvenirs. N'y a-t-il pas une vraie satisfaction à se garder soi-même, à se créer, au milieu des soins vulgaires de la vie, des jouissances intellectuelles que personne ne peut lui enlever? Sa conversation, à la fois profonde, spirituelle et pleine de malice, nous fit passer une délicieuse soirée. En dépit de la solitude où vit notre compatriote depuis la mort de la princesse Galitzine, bien des personnes viennent la visiter dans cette vallée et entretiennent avec elle une correspondance suivie. Peu de jours avant notre arrivée, une dame inconnue, belle et distinguée, passa la journée entière à Soudagues sans trahir son incognito. Vivement intriguée, Mademoiselle Jacquemart lui dit en riant « Reine ou bergère, laissez-moi votre nom pour qu'il me rappelle un des plus charmants souvenirs de ma vie d'anachorète. » « Eh bien, lui répondit sur le même ton l'inconnu, passez-moi votre album et vous connaîtrez une admiratrice bien sincère de votre mérite. » Aussitôt, elle traça quelques lignes sur l'album et s'éloigna à la hâte, tandis que la chanoinesse lisait ce quatrain improvisé en son honneur, signé Princesse Radziville. « Reine ou bergère, je voudrais dans ce doux lieu passer ma vie, partageant avec vous, amis, ou ma cabane, ou mon palais. » Note, à notre retour en France, j'eus l'occasion, à nuit, de causer un grand bonheur à la vieille mère de Mademoiselle Jacquemart, ancienne cuisinière de la famille Marais-Monge, en lui disant que j'avais vu sa fille. La pauvre mère était stupéfaite de joie. Elle touchait mes mains, qui avaient pressé celles de son enfant, comme on touche une relique. Fin de note. Au sortir de Soudagues, qui possède les plus belles ruines génoises de la contrée, nous nous engageâmes dans une gorge profonde, au fond de laquelle nous apparut, comme une vraie décoration de théâtre, un pittoresque village tatar. Maisons à terrasses, femmes voilées, mosquées rustiques, boutiques en plein vent, tout avait ce caractère oriental qu'on a tant de plaisir à retrouver quand on a visité Smyrne et Constantinople. Une belle fontaine, rendez-vous ordinaire des voyageurs, répand avec abondance son eau limpide dont le surplus est reçu dans de petites rigoles qui serpentent à travers les jardins. Tout est frais et champêtre dans ce petit coin perdu au fond d'une gorge. Au fond, ne pûmes-nous résister au plaisir d'une installation sous les beaux platanes de la fontaine. Les chevaux furent mis en liberté. Les tchibouks tirés de leur enveloppe de drap gris brodé d'argent, les provisions étalées sur l'herbe, et nous nous livrâmes à cet heureux kief auquel on s'habitue si facilement dans les pays du Midi. Des pastèques, du café, du yaourt et d'excellentes galettes nommées dans le pays Gatlama nous furent immédiatement apportées de la part du chef du village. Quelques femmes tatares, sous le prétexte de remplir leurs vases de forme étrusque à la fontaine, s'approchèrent de nous et, dans un langage doux et caressant, exprimèrent le plaisir qu'elles avaient à nous voir. Drapées comme des statues antiques, d'un port noble et dégagé, elles empruntaient à leur voile blanc une grâce pudique et mystérieuse, surprenante chez des paysannes. Les femmes de l'Orient ont une distinction native qui leur donne un charme tout particulier. Elles semblent toujours posées sous le regard de l'artiste. Humble fella ou grande dame, toutes sont sœurs par la distinction et la grâce pittoresque des attitudes. En quittant Koulak, nous suivîmes pendant un espace de 5 verstes, 4 kilomètres, le bord de la mer, accidenté par les restes de fortifications génoises, des postes de Cosaques, garde-côtes, et de nombreux ravins, vraies fouilles de verdure, où nos chevaux enfonçaient parfois jusqu'au poitrail. À l'extrémité de l'un de ces ravins, nous découvrîmes Kapsor avec sa vieille tour ruinée dont les premières assises baignent dans la mer. Les hautes montagnes couvertes de jardins et de vignobles qui l'entourent lui font un magnifique encadrement. Dans son voisinage se trouve la célèbre cascade de Djourdjour, considérée comme l'une des plus grandes merveilles de la Crimée. Pouchkine a fait tout un poème sur ses eaux écumeuses, poème qui vaut chaque année à cette charmante cascade de nombreux visiteurs. Nous nous empressâmes de laisser nos montures aux mains de quelques tatars et de nous engager dans un étroit sentier côtoyant la gorge la plus escarpée qu'il soit possible de rencontrer. En face de nous se dressaient deux montagnes aux flancs décharnés, séparées par une fente étroite où le vent s'engouffre avec une violence inouïe, où le soleil peut à peine pénétrer et continuellement ravagé par les eaux bouillonnantes de la cascade qui s'y précipitent d'une hauteur de 80 pieds. Entravée par les aspérités du rocher, cette masse d'eau rebondit, gronde, tourbillonne de façon à vous rendre sourd. L'étroitesse de la table d'où elle retombe donne à la chute une force tellement irrésistible qu'elle entraîne constamment avec elle des blocs de granit s'amoncelant au fond de la gorge et formant un chaos qui finira par rendre l'accès de la cascade impossible. C'est une des belles horreurs que la nature se plaît parfois à offrir. L'obscurité qui y règne, le fracas de la chute, le bruit du vent, l'apparition de quelques grands oiseaux tournant silencieusement dans ce cercle de rochers et d'écume bouillonnante, toute cette sombre et puissante poésie remplit l'âme de sensations inexprimables. Peu d'heures après, nous arrivâmes à Ouluhuzen, propriété d'une baronne Axinia dont l'existence romanesque a longtemps occupé la côte méridionale. Jetée en dehors de la société par un événement qui avait brisé sa vie, elle s'était condamnée depuis plusieurs années à une retraite absolue, ne recevant que quelques rares étrangers. Mais grâce à ma liaison avec une de ses filles mariée à Odessa, notre visite était depuis longtemps annoncée et désirée à Ouluhuzen, et c'était pour nous rendre à une pressante invitation de la baronne que nous chevauchions en ce moment à travers les vallons et ravins qui rendent cette partie de la côte si pittoresque. Nous surprîmes cette dame criant à sa fille penchée sur la balustrade d'un kiosque. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Mais la jeune fille, svelte et sauvage comme une vraie gazelle, eut à peine aperçu la tête de nos montures qu'elle disparut précipitamment et ne se décida à nous être présentée que 2 jours plus tard. Avant de pénétrer dans cette charmante retraite, je vais en peu de mots expliquer les motifs qui confinaient en ce coin perdu de la côte une des plus jolies femmes que j'ai jamais rencontrées. Mariée très jeune à un presque vieillard, le baron de Tatata, d'origine livonienne, la belle Axinia avait inspiré beaucoup de passion et devait à ce privilège souvent envié, mais toujours fatal, une existence des plus orageuses. À son tour, elle aima et, dans un rendez-vous, fut surprise par son mari qui se comporta, dans cette circonstance, comme tout mari jaloux. Il lui donna un bel et bon coup de poignard dont elle porte la trace à l'épaule, et l'amant fut tué roide. Toute la Crimée s'émut d'une telle catastrophe qui semblait plutôt empruntée aux dernières pages d'un roman moderne qu'aux mœurs d'un pays peu collémenté à l'endroit de la galanterie. Une séparation immédiate eut lieu entre les deux époux. Le baron détacha de son immense domaine une portion suffisante pour permettre à sa femme d'en faire une charmante propriété, ajoutant à cette libéralité une pension convenable. Elle eut en outre la consolation de conserver près d'elle la plus jeune de ses filles et se soumit héroïquement à ne vivre désormais que de souvenirs, gardant pour elle seule le secret de ses regrets et peut-être de ses remords. Lorsque j'arrivai à Oulu-Ouzen, 10 ans s'étaient écoulés depuis la catastrophe, et depuis cette époque, la baronne n'avait jamais mis le pied hors de son domaine. Il faut convenir qu'une pareille force de volonté, chez une femme belle et très à la mode, rachète bien des fautes et de plus annonce une organisation peu commune. Son mari vivait à Saint-Féropol, se contentant de faire venir une fois l'an sa jeune fille, sans manifester le moindre désir de voir la mère, nourrissant une répulsion invisible contre Oulu-Ouzen, où s'était accompli le drame, cause fatale de leur séparation. De son côté, la baronne avait juré de ne dépasser sous aucun prétexte les limites de sa prison et rejeter toute tentative de réconciliation. Les années s'étaient donc écoulées sans qu'un regard eût été échangé entre eux, un homme d'affaires étant seul chargé de régler toutes les questions d'intérêt qui pouvaient surgir inopinément. L'enfant avait grandi. Au moment de notre visite, c'était une charmante fille de 18 ans, sauvage, fantasque et gracieuse, en parfaite harmonie avec la poésie des lieux et l'isolement de sa vie. Instruite de tous ces détails par la fille aînée de la baronne, mariée à un aide de camp du comte Vorontsov, j'arrivai donc à Oulu-Ouzen avec un sentiment d'intérêt et de curiosité que toutes les femmes comprendront. Ma crainte secrète était de ne trouver qu'une femme ordinaire là où j'avais rêvé une héroïne de roman. Mais le premier regard jeté sur son poétique séjour justifia à l'instant tout ce qu'on m'avait dit d'elle. Une imagination vive, l'adoration de la nature et l'instinct du beau se devinaient immédiatement dans la grâce des détails et le goût intelligent qui avait présidé à la création de ce délicieux cottage. Appuyé sur une colline à pente douce, le corps principal du logis présente une architecture toute de fantaisie qui rappelle les konaks, palais du Bosphore. Une large galerie tapissée de rosiers, de chèvrefeuilles et de vignes sauvages dont les festons s'enroulent autour de gracieuses colonnettes et s'élancent jusqu'au premier étage donne de l'espace, de l'ombre et de la fraîcheur à l'habitation, servant en même temps, grâce à un treillage presque invisible, d'immenses volières où nichent et chantent de nombreuses espèces d'oiseaux. Le regard n'aperçoit partout que massifs de fleurs, frais taillis, eaux murmurantes, kiosques semés à travers la forêt. Quelques échappées de vue, ménagées à dessein, permettent d'entrevoir la mer et les navires qui fuient à l'horizon. Pour décor, le gracieux village tatar de Dimirji présente ses toits en terrasse et ses blancs minarets. Et pour encadrement, des vertes collines couvertes de lièges et de chênes verts ferment un demi-cercle de verdure où s'ébattent en toute liberté de nombreux troupeaux de chèvres. On m'installa dans un pavillon servant de demeure habituelle à la jeune Olga, fille de la baronne. Ce petit réduit, composé de deux pièces, semble, comme tout ce qui appartient à Oulu Ouzen, avoir été touché par la baguette d'une fée. On ne peut rien imaginer de plus frais, de plus coquet, de plus romantique. Caché dans la forêt, au bord d'une petite rivière qui roule ses eaux limpides sur un lit de cailloux, il est parfaitement isolé, quoique très voisin de l'habitation principale. Si ce n'était une puérilité, je décrirais minutieusement, tel que je le vois encore, l'ameublement de cette retraite, vrai nid de poète ou de jeune fille. Le métier à broder, dressé dans le petit salon, les beaux papillons piqués contre le mur, les jardinières où s'épanouissent des fleurs exotiques, la volière pleine d'oiseaux bleus, la toilette en argent, le divan turc avec son étoffe rouge à bandes d'or, les stores chinois, tous les détails pleins de goût et d'élégance d'un si charmant réduit. Au premier abord, mon hôtesse me parut timide et d'humeur un peu sauvage, façon d'être amplement justifiée par sa situation exceptionnelle. Mais au bout de peu de jours, cette contrainte disparut, et bientôt une véritable intimité s'établit entre nous, intimité qui me rendit le séjour d'Oulu Ouzen infiniment agréable. Me trouvant comme elle, passionnée pour la nature, la baronne fut très heureuse de m'associer à ses habitudes rustiques, les seules attachantes quand on vit à la campagne. En la voyant si fraîche, si calme, au milieu de ses fleurs et de ses oiseaux, je la crus d'abord parfaitement heureuse, mais plus tard, je reconnus une amertume cachée, une douleur permanente au fond de ce cœur, si orgueilleusement fermé. Poète, non à la façon de ceux qui font des vers, mais par sa manière de tout idéaliser, elle savait répandre un charme étrange sur les choses les plus vulgaires de la vie. Tout subissait l'influence de cette nature d'élite. Ses serviteurs, sa fille, ses rares voisins étaient constamment occupés à chercher les moyens de lui plaire et de lui rendre la vie douce et heureuse. Une de ses distractions était de filer, et cet exercice lui allait si bien qu'on ne la désignait que sous le nom gracieux de la reine Berthe. Sa personne entière avait quelque chose de souverain. Une volonté ferme, la conscience de sa force, jointe à quelque peu de mélancolie, la rendait irrésistible. Pourrais-je jamais oublier nos longues courses au bord de la mer, nos promenades nocturnes sur les collines, nos rêveries dans les kiosques de la forêt et surtout nos entretiens qui me révélaient un esprit fin, une imagination élevée, une âme énergique et tendre, sachant puiser dans le grand livre de la nature la force de vivre seule et de renfermer ses désirs dans l'horizon restreint de sa Thébaïde. Dès le premier jour de mon arrivée, je remarquai avec une vive surprise que notre hôtesse était sans cesse assaillie par une foule de jolis mésanges venant becqueter ses cheveux et ses mains avec une familiarité des plus extraordinaires. Après avoir joui de mon étonnement, la baronne m'apprit que ces mésanges étaient la troisième ou quatrième génération issue d'un couple de cette espèce qu'elle avait élevé 2 ans auparavant et auquel elle avait eu le soin de donner la liberté au retour du printemps. L'année suivante, le couple reparut, amenant avec lui une lignée de petites mésanges qui s'habituèrent sans peine à venir prendre leur nourriture sur la galerie de la maison et plus tard dans les mains de leur charmante protectrice. D'autres oiseaux imitèrent cet exemple et c'est ainsi qu'une foule de joyeux habitants de l'air nichent et se prélassent sur la galerie qui est entourée d'un filet pour les mettre à l'abri des oiseaux de proie. Peut-on voir un plus touchant instinct que celui qui a conseillé à ces oiseaux d'amener leurs petits là où ils ont trouvé des soins, de la nourriture et de la liberté. Fin du 19e chapitre, première partie.